بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al mustami'in wal mustami'at. Hayyakum Allah ala ta'ati. Donc nous allons poursuivre notre série de cours intitulée « Sur le chemin de la Hijra ». Et la semaine dernière, nous avons parlé de ce qu'il convient de faire et de privilégier au début de la Hijra. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler des causes pour préserver sa Hijra. Et ce sujet, ikhwani fillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous, ce sujet est très important. Surtout lorsque l'on sait que faire une adoration n'est pas forcément le plus dur, mais c'est plutôt le fait de perdurer dans celle-ci. En effet, parfois, la personne va commencer une adoration et dans les débuts, elle va être très motivée dans celle-ci et elle va faire beaucoup d'efforts. Ensuite, plus le temps passe et plus elle va avoir moins d'entrain jusqu'à parfois délaisser cette adoration, que ce soit partiellement ou totalement. Et l'exemple de la Hijra est une bonne illustration dans cela, car certains frères et sœurs ont réussi à faire la Hijra, alhamdoulillah, et ils étaient motivés, mais ils n'ont pas su faire preuve d'endurance. Et ils sont donc retournés vivre en terre de mécréance. C'est pour cela qu'il est important de connaître les causes pour préserver sa hijra. Et nous allons mentionner dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala, cette cause permettant de préserver sa hijra, Inch'Allah. Et je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de me faciliter dans cela. La première cause est d'avoir conscience que celui qui a fait la hijra est dans un grand bienfait. Et ceci est un point qu'il convient de méditer. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Parmi eux, il y a des mécréants et des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour faire partie des croyants. Mais les croyants sont de plusieurs types. Certains d'entre eux sont sur le droit chemin. Le chemin sur lequel, ou plutôt le chemin sur lequel, était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Tandis que d'autres suivent des voies déviantes et égarées. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi pour faire partie des gens qui suivent la voie droite. Et ceux qui suivent cette voie droite sont de plusieurs catégories. Il y a ceux qui mettent en pratique leur science. C'est-à-dire que lorsqu'ils apprennent qu'une chose est obligatoire, ils la font. Tandis que d'autres ont des manquements dans la mise en pratique de leur science. De telle sorte qu'ils vont souvent délaisser des choses qui leur sont obligatoires, ou faire ce qui est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité à être de ceux qui mettent leur science en pratique jusqu'à te faciliter à faire la hijra. Et ceci est un bienfait immense. Pouvoir vivre en terre d'islam, être libre dans la pratique de sa religion, voir ses enfants s'épanouir religieusement, entendre l'appel à la prière tous les jours pour chaque prière, ceci est un bienfait énorme. Il faut donc que celui qui a fait la hijra se rappelle de ses bienfaits et les reconnaisse. Mais pas seulement. Il faut aussi qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Et ceci est la deuxième cause pour préserver sa hijra. Car si le serviteur et reconnaissant envers son Seigneur pour les bienfaits qu'il lui a accordés, Allah subhanahu wa ta'ala accroîtra ses bienfaits envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 de sourate Ibrahim, « Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum » Wala in kafartum in azabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée de ce verset, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et il se peut que quelqu'un se dise, en quoi consiste le fait d'être reconnaissant dans la hijra? Est-ce qu'il s'agit seulement de photographier certains bienfaits du pays dans lequel on a fait la hijra et de le publier sur notre statut WhatsApp ou sur notre Instagram? Ou est-ce que c'est le simple fait de dire Alhamdulillah, j'ai fait la hijra. Ou Alhamdulillah, Allah m'a facilité à faire la hijra. Et la réponse à cela, ikhwani fillah, est qu'être reconnaissant consiste à reconnaître avec ton cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité la hijra. Et que ceci est un énorme bienfait. Aussi, il faut faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et utiliser les bienfaits qu'il t'a octroyés dans son obéissance. Et l'ingratitude, c'est tout le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité à faire la hijra et t'a donné l'opportunité de mieux pratiquer ta religion. Prenons l'exemple de la prière. En terre d'islam, tu entends l'appel à la prière. Il y a beaucoup de mosquées. Et donc celui qui est reconnaissant, c'est celui qui va prier toutes les prières à la mosquée et qui ne va jamais délaisser cela, à part lorsqu'il a une excuse légiférée. Alors que celui qui fait preuve d'ingratitude, c'est celui qui va délaisser la prière à la mosquée, celui qui va délaisser par exemple la prière du fajr en groupe, alors qu'il entend l'adhan. Allah subhanahu wa ta'ala, par la hijra, t'a facilité à pouvoir inscrire tes enfants dans des structures islamiques où on apprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est reconnaissant, c'est celui qui va inscrire ses enfants dans ces structures pour que ses enfants puissent avancer dans l'apprentissage de la religion. Tandis que celui qui fait preuve d'ingratitude, lui, il va plutôt inscrire ses enfants dans des écoles qui sont dirigées par l'État français et où les règles sont identiques à la France, ou bien dans des écoles mixtes où l'enfant n'est pas préservé. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité à pouvoir prendre un nouveau départ avec la hijra, t'améliorer, te réformer. Et celui qui fait preuve de reconnaissance et celui qui va faire des efforts pour changer, alors que celui qui fait preuve d'ingratitude, c'est celui qui ne va pas faire d'efforts pour se réformer. Et avec ces exemples, nous voyons que celui qui est reconnaissant et l'ingrat ne sont pas égaux. Car celui qui est reconnaissant, il utilise ses bienfaits dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire de l'ingrat. Et ils ne sont pas égaux en termes de rétribution, car Allah subhanahu wa ta'ala rétribue celui qui est reconnaissant de ses bienfaits par l'accroissement de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'accroîtrai mes bienfaits sur vous. Et dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la rétribution de celui qui fait preuve d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Azza wa Jal, Wa la in kafartum in azabi la shadid. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. L'éminent savant, Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di, rahmahullah, dit dans le tafsir de ce verset, rentre dans cela le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ôte les bienfaits qu'il leur avait octroyés. Fin de citation. Et concernant le simple fait de mentionner qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité à faire la hijra, ou encore prendre en photo certains bienfaits du pays dans lequel tu as fait la hijra et le mettre sur ton statut WhatsApp ou sur ton Instagram, ceci n'est pas suffisant. Et l'un des tabi'in du nom d'Abu Hatim Al-Zahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait une très belle parole concernant ce genre de sujet. Il disait, rahimahullah, quant à celui qui est reconnaissant avec sa langue, mais qui ne l'est pas avec son corps, il est comparable à celui qui tient un habit, mais qui ne le met pas. Il ne lui est donc pas profitable contre la chaleur, le froid, la neige et la pluie. Fin de citation. Donc cette parole nous montre que remercier seulement Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue et dire Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité à faire la hijra, ou bien par la grâce d'Allah, j'ai fait la hijra, ceci ne suffit pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à être reconnaissants. La troisième cause est privilégier sa situation religieuse à sa situation financière. Et ceci est un point très important, car souvent celui qui a fait la hijra a tendance à beaucoup regarder sa situation financière, de telle sorte que s'il est éprouvé financièrement, il ne va pas patienter. Et souvent, il va chercher une solution en terre de mécréance. Dans certains cas, il va quitter le pays où il a émigré pour se réinstaller en terre de mécréance afin de travailler. Et dans d'autres cas, il va faire des allers-retours en terre de mécréance et laisser sa famille en terre d'islam. Alors qu'en vérité, ikhwani fillah, celui qui a fait la hijra, il doit privilégier sa situation religieuse. Le fait qu'en terre d'islam, il est fier dans sa religion, qu'il peut l'extérioriser, la pratiquer sans problème. C'est tout cela qu'il doit privilégier. Et dans le cas où il viendrait à être éprouvé, alors il se doit de patienter, comme ont patienté les gens qui l'ont précédé, parmi les prophètes et les gens de bien, et privilégier sa situation religieuse à sa situation financière est certes la voie des pieux prédécesseurs. En effet, beaucoup d'entre eux ont voyagé pour apprendre la science. Et parfois, ils ont été éprouvés durement. Malgré cela, ils ont patienté. Et ils ont préféré, et ils ont privilégié, rester dans cet immense bienfait, qui est l'apprentissage de la science auprès des savants. Méditons sur l'histoire d'un des imams de cette communauté, qui n'est d'autre qu'Abu Hatim al-Razi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, rahimahullah, je suis resté dans la région d'Al-Basra 8 mois, alors que j'avais l'intention d'y rester 1 an. Je n'avais plus de provisions. Alors j'ai commencé à vendre les habits que j'avais sur moi, petit à petit, Allahu Akbar, jusqu'à ne plus avoir de provisions. J'allais écouter les savants avec un ami jusqu'au soir. Et le troisième jour, un ami est venu le voir de bonne heure pour aller étudier avec les savants. Et Abu Hatim al-Razi dit à cet ami, « Je ne peux pas, car je suis faible. » Son ami lui demanda alors, « Qu'est-ce qu'il avait ?» Et Abu Hatim lui expliqua sa situation. Et son ami avait en sa possession un dinar. Ils le partagèrent, puis ils sortirent. « Rahimahullah, rahmatan wasi'a. » Et les histoires de ce genre sont nombreuses. Nous devons prendre exemple sur nos pieux prédécesseurs dans cela. Surtout qu'ils se sont retrouvés dans des situations bien plus difficiles que les nôtres. Mais malgré cela, ils ont privilégié leur situation religieuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. La quatrième cause est patienter lors des épreuves. Lorsque tu es touché par une épreuve dans ta hijra, il faut que tu patientes. Et ne dis pas que la situation est insurmontable, car Allah n'impose pas une charge à son serviteur qu'il ne peut pas supporter. Donc si tu viendrais à être éprouvé, sache que tu peux surmonter cette épreuve. Il faut juste que tu fasses les causes qui te permettront de patienter. Et parmi les causes qui vont aider la personne à patienter dans les épreuves de la hijra, il y a le fait de se rappeler que d'autres avant toi ont été éprouvés et Allah les a facilités et il leur a accordé de nombreux bienfaits. Rappelle-toi de leur situation, rappelle-toi de leurs histoires et médite sur celle-ci et ton cœur, incha'Allah ta'ala, s'apaisera. Surtout lorsque tu te rendras compte qu'ils ont été plus éprouvés que toi. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreuses sourates, il nous raconte l'histoire des prophètes. Dans Surat Hud, par exemple, il nous raconte l'histoire de certains prophètes, tels que Nuh, Shu'aib, Salih et Hud, alayhimus salam. Et après avoir mentionné leurs histoires, il nous mentionne la sagesse de ceux-là. Et il nous dit « Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. » Il dit selon la traduction « Tous les récits des messagers que nous te racontons sont destinés à raffermir ton cœur. » Et donc l'une des sagesses pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a raconté les histoires des prophètes, c'est pour raffermir le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour qu'il patiente comme eux ont fait preuve de patience face à l'épreuve. La cinquième cause, ikhwani fillah, pour préserver sa hijra est de ne pas faire des choix qui vont mettre en péril la hijra. Il faut faire preuve de clairvoyance dans ses choix et privilégier la stabilité de sa hijra. Par exemple, parmi les erreurs qu'on peut retrouver dans ce sujet, le fait que certains vont vivre au-dessus de leurs moyens. Ils vont louer des appartements qui sont assez chers et vont faire preuve d'excès dans leur mode de vie. Puis lorsqu'ils n'ont quasiment plus d'argent, ils rentrent en terre de mécréance. Car selon eux, la vie y est trop chère. Alors qu'en vérité, leur choix de vie ont mis en péril leur hijra. Une autre erreur aussi qu'on retrouve fréquemment, le fait de retourner en terre de mécréance après avoir fait la hijra, et cela sans nécessité. Car celui qui fait ce genre de choses, s'expose à un danger et met sa hijra en péril, car il est très facile de se réhabituer à la vie en terre de mécréance après l'avoir quittée. Et il faut donc privilégier les choix qui ne vont pas être un danger pour notre hijra. La sixième cause est revenir aux gens de science lorsqu'on veut prendre des décisions importantes dans la hijra. Car malheureusement, on a tendance à prendre des décisions hâtives, sans questionner les gens de science sur ces affaires. Alors que les gens de science ont une clairvoyance que nous n'avons pas, et leurs conseils sont très utiles. Et délaisser leurs orientations et leurs conseils est une cause de tomber dans les troubles. Il faut donc revenir à eux lors de nos affaires importantes dans la hijra. La septième cause et la dernière est faire preuve de sincérité et privilégier l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'agrément des créatures. Il faut que les choix qui sont faits dans cette adoration immense soient faits en fonction de notre Créateur et de son agrément, et non pas en fonction des créatures et l'agrément des créatures. Et il faut aussi faire preuve de sincérité, car celui qui fait preuve de sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Et donc voici quelques causes pour préserver sa hijra. Il est très difficile de toutes les mentionner en un seul cours, mais en tout cas, j'ai essayé de mentionner les principales. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée.